la pause interview sur Radio Côte Basque avec la rubrique spéciale Esprit vivant. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Didier Alsugarat au micro de Bruno Fleury. Et bonjour, bonjour Alain, bonjour Didier. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, la maladie. Pas seulement dans le corps, mais aussi dans la tête. Comment on tient, comment on avance. Didier, en quelques secondes, qui es-tu ? Bonjour Bruno, bonjour Alain. Donc je suis Didier Alsugarat. Je suis comme les femmes, je n'aime pas dire mon âge. Non, j'ai 53 ans et voilà, j'habite Bayonne depuis des années et je travaille dans une grande entreprise de transport. Voilà, tu veux en savoir plus ? Je suis beau. Pourquoi tu es là aujourd'hui alors ? Tu viens nous parler de transport ? Non, je crois que c'était pas du tout l'émission. Non, pas du tout. Je suis là parce que vous m'avez invité et merci beaucoup. Et je suis là un tout petit peu pour parler de ce qui m'a concerné pendant quelques années et même encore aujourd'hui, donc la maladie. J'ai eu un cancer de la peau en 2019, on m'a enlevé un mélanome en 2019 et on m'a découvert des métastases en 2022. Donc voilà, c'est un peu pour raconter mon parcours et ce qui m'a aidé aussi à traverser ce parcours et ce combat. Et justement, lorsque tu as appris un petit peu cette maladie, quelle est la première pensée que tu as pu avoir à ce moment-là ? Alors moi, ça s'est fait en deux phases. J'ai eu une première phase en 2019 où j'étais en déplacement quand on m'a appris mon cancer de la peau. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de manière particulière de le dire, parce que quoi qu'il arrive, dès qu'on dit le mot cancer, c'est violent et c'est un choc. Oui, bien sûr. Moi, je me suis littéralement effondré parce que j'étais à Marseille à ce moment-là en déplacement, personne avec moi, enfin tout seul dans la chambre d'hôtel. Donc tu t'es senti vraiment seul là, à ouais, ce moment-là. Là, je me suis vraiment senti seul. J'ai appelé évidemment mes proches, mon patron pour lui annoncer. Et au retour, le vendredi, j'ai eu mon médecin traitant au téléphone qui m'a dit... Moi, il s'appelait le mélanome de Dubreuil, c'est le nom de ce cancer de la peau, et que c'était un cancer pas invasif. Donc une fois qu'on allait m'opérer, que c'était terminé. Sauf que la deuxième phase a été en 2022 avec les métastases, et là, ce n'est pas tout à fait la même histoire, parce qu'on voit que le cancer primaire, donc du cancer de la peau, a grappillé un peu de terrain, et là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça a été compliqué. Beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, se bousculent. Moi, j'ai pensé à mes petits-enfants, à mes enfants. Enfin, oui, voilà, c'est des idées un peu particulières, mais il faut essayer en tout cas de vite basculer vers quelque chose de positif, si on peut dire ça, positif. Mais j'avais connu ça déjà, mon épouse a eu un cancer du sein en 2020, donc j'avais déjà connu cette période-là, pas en tant que malade, mais en tant qu'aidant. Donc d'appréhender en tout cas la maladie, j'avais déjà vécu cette chose-là. Bon. Et si on doit un petit truc, c'est quoi le truc que personne ne dit finalement sur la maladie ? La difficulté, les moments les plus durs mentalement ? L'annonce, ouais. Mais après ça a été l'attente, ça a été très très long entre l'annonce de mes métastases et la prise en charge. Oui, bien évidemment. Parce qu'il y a des réunions pluridisciplinaires, etc., etc. En plus, moi j'étais pris en charge à Bordeaux parce que j'ai fait partie d'un essai clinique, donc oui. ça a été relativement long. Pour ma part, en tout cas, et je ne veux pas mettre tous les médecins dans le même sac, mais... Je pense que la communication, il y a un gros travail de communication à faire avec les patients. Après, ils en voient tellement que je pense que ça va être très compliqué. Mais en tout cas, de dire les choses, mais pas avoir un espèce de discours toujours le même pour tous les patients. Je trouve que ça manque des fois un tout petit peu d'humanité ou d'empathie. La peur, ce qu'on dit pas, c'est la peur. Enfin, moi, j'étais mort de trouille. Ouais, j'étais mort de trouille. Et qu'est-ce qui t'a empêché de sombrer finalement et de pas perdre vraiment les pédales, quoi ? Beaucoup de choses, les miens, mes enfants, mon épouse, mes petits-enfants, ma famille en général, mes potes ont été très très très présents. C'était l'année de mes 50 ans, mon épouse m'avait organisé un anniversaire, on était 90 je crois. Et on ne l'a pas fait parce qu'on venait de m'annoncer mon cancer, en tout cas mon cancer métastatique. Et mais mes potes ont quand même voulu, le jour de mon anniversaire, de mes 50 ans, ils m'ont fait une surprise. Alors je m'y attendais, mais pas du tout. Ma fille était venue de Toulouse, ils m'avaient préparé un plan bateau. Je suis arrivé dans une maison, ils étaient tous là, bon bref. Voilà, c'est ça qui m'a aidé à tenir. Et après, la musique, et puis j'ai rencontré le théâtre. Il a fallu en tout cas trouver le plus possible l'évasion psychologique, parce qu'évidemment, j'ai arrêté de travailler. Pas longtemps, 9 mois, mais le temps d'une grossesse. D'ailleurs, j'en ai gardé un peu le stigmate physique de la grossesse. Ça passera. Ouais, ça passera. Mais voilà, il faut trouver absolument quelque chose pour s'évader psychologiquement, et c'est ce qui permet de tenir. Ouais, en somme, on parle du corps, mais la tête, elle prend cher aussi. Hein. Tu confirmes, c'est, mentalement, c'est chaud, quoi. Ouais, alors je sais pas si c'est plus difficile de gérer la tête que le corps. Aujourd'hui, je saurais même pas le dire, parce que moi aujourd'hui, mon corps me fait encore souffrir. La tête va beaucoup mieux, mais mon corps me fait encore souffrir aujourd'hui, alors que ça fait 2 ans que j'ai arrêté les traitements. Mais oui, et on a souvent tendance à prendre soin de son corps en faisant du sport, etc. Mais il faut aussi prendre, alors le sport, ça fait du bien à la tête aussi, mais il faut essayer aussi surtout de prendre soin de son esprit, et je dirais surtout après les traitements. Oui. Parce que le temps des traitements, on est entouré, on a les médecins, les infirmières. Bien sûr. Voilà, on a tout le corps médical, et une fois qu'on sort du traitement, c'est terminé. C'est comme si vous aviez 2 murs là, dans un couloir, ces 2 murs, ils tombent. Et vous vous trouvez un peu déstabilisé en vous disant je fais quoi. Thierry du Sautoir, que tu dois connaître, disait que eux, les joueurs de rugby, quand ils arrêtent leur carrière de rugby, c'est un peu la même chose. Il a eu cette image des 2 murs qui partaient, qui s'effondrent, vraiment un cadre. Et nous, c'est pareil, quand on est à la maladie, la sortie de la maladie est souvent très compliquée. Et les hôpitaux aujourd'hui sont prêts à gérer cette souffrance mentale des patients? Est-ce qu'il y a de l'aide, de l'accompagnement? Alors, il y en a. Je pense que les hôpitaux aujourd'hui comptent beaucoup sur les associations de soins de support. Alors, évidemment, je connais très bien les battements d'ailes, parce que c'est mon épouse qui l'a créé. J'en suis aujourd'hui aussi je ne fais pas grand-chose dans l'association, mais j'en suis le cofondateur. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a la Ligue, il y a plein d'associations de soins de support comme ça. Et heureusement, parce que je pense que l'hôpital ne pourrait pas... Alors déjà, financièrement... Oui, c'est ça aussi. Après, il y a des psys. Alors, à l'hôpital de Bayonne, il y a vraiment une cellule particulière sur les douleurs. Alors, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette cellule-là. Dommage qu'on fasse ce podcast aujourd'hui, parce qu'à partir de juin, j'y serai. Donc, je vous raconterai ça. Ils vont nous en parler prochainement. Donc, voilà. Tu pourras écouter. Mais voilà, pour les hôpitaux, je pense que c'est un peu compliqué. Il n'y aurait pas ces associations-là, et toutes les associations, je ne veux pas en mettre une en valeur, parce que chacune a sa spécificité, sa spécialité. Mais elles sont toutes importantes pour les malades, en tout cas. Et on parle aussi de résilience. Alors, la résilience, c'est forcément un joli mot, mais... En vrai, ça veut dire quoi? De rien lâcher. Alors, c'est très facile à dire, parce qu'on appréhende tous la maladie d'une manière différente. Et puis, on n'a jamais tous la même maladie, le même stade. On n'a pas les mêmes traitements. Le cancer, c'est vraiment un monde tellement large que... Ouais, moi, je sais que malheureusement, il y a des gens et proches de moi qui sont gravement touchés. Et ça, moi, ça m'embête, parce que j'estime que je suis un privilégié dans mon parcours, même si je pars quand même d'un cancer métastatique, mais je suis quand même assez privilégié que le traitement ait fonctionné. Mais voilà, c'est compliqué. Je ne me rappelle plus de la question, déjà. On parlait de résilience. Ah oui, de résilience, pardon. Et en vrai, ça veut dire quoi? Mais en vrai, est-ce que vraiment, tu as eu peur de mourir? Oui, bien sûr. Hein. Pour de vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, pourtant, par rapport à la mort, je ne suis pas très inquiet dans la vie, en règle générale. Et là, bizarrement, oui. Alors, je ne sais pas si c'était peur de la mort ou peur de la souffrance. Voilà. Mais oui, je pense que c'est la première des choses à laquelle on pense. Voilà. Et est-ce que pour toi, cette maladie, par cette maladie, tu es devenu plus fort, mais également certainement très différent? Plus fort, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis... Alors, différent, ça, c'est sûr. Parce que j'ai appris à avoir d'autres priorités, c'est-à-dire déjà moi. Parce que j'ai beaucoup fait pour... en tout cas, j'ai essayé de beaucoup faire pour les autres, en m'oubliant un tout petit peu. Et cette maladie m'a un peu rappelé à l'ordre en me disant « Attends, Coco, t'es mignon, mais il va falloir un peu que tu t'occupes aussi de toi. » Alors, c'est pas gagné encore, mais j'apprends à le faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, par le biais du théâtre. Enfin, moi, j'ai découvert trois coups la réplique pour faire juste un petit peu de pub pour la compagnie. Merci pour eux. mais parce que je m'amuse beaucoup, et au-delà de m'amuser avec la compagnie, je m'amuse avec les gens qui sont dans la compagnie. Oh oui, j'imagine. Et ça fait un bien fou. Donc j'ai pris la décision de m'occuper de moi par ce biais-là, par le biais de la musique, enfin par plein de choses, la moto. Voilà. Mais oui, j'ai eu peur de la mort. Oui, je pense comme tout le monde à qui on annonce un cancer, c'est. Ouais, c'est compliqué. Et puis je t'ai entendu parler quelquefois des attentes longues dans les services quand on va consulter ou quand on est en attente de résultats. Et ça, c'est des moments qui sont pas faciles à gérer également, parce que effectivement, tu t'es suivi à Bordeaux, donc il y avait ce déplacement jusqu'à Bordeaux, et puis l'attente d'examen, l'attente de résultats, et le retour seul, qui n'était pas facile aussi à gérer. C'est ça. Ben, j'ai fait, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, une série de publications sur Insta qui s'appelait « Salle d'attente ». C'est la référence, justement. Voilà, en lien aussi avec la pièce de théâtre qu'on joue qui s'appelle « Salle d'attente » et qui parle de la maladie, mais de manière, je veux pas dire légère, mais voilà, on y rit, peut-être on y pleure aussi un peu, je sais pas, mais en tout cas nous on s'amuse beaucoup avec cette pièce là. Elle est très belle. Merci. Et ouais, pour les salles d'attente, c'est j'en ai vécu beaucoup. Bordeaux, j'y suis allé 26 fois. Et c'est la salle d'attente avant le scanner, c'est la salle d'attente avant le rendez-vous onco. Donc ouais, ce que tu disais, c'est l'attente de ce qu'on va t'annoncer. Est-ce que tout va bien? Est-ce que quelque chose a été trouvé? Parce que les oncologues, c'est un peu comme les chercheurs de pétrole. Quand ils cherchent, ils trouvent. Ils ont toujours quelque chose à trouver. Donc voilà, les salles d'attente, ça fait partie un peu, partie de nos vies de malades. Voilà, ça fait partie du parcours. Je vais faire une référence à quelqu'un qu'on a reçu ici, qui a un très beau texte sur l'attente, qui s'appelle Malo Lafleur, que tu pourras regarder par son Instagram. Il a un texte qui s'appelle L'attente, qui est très bien écrit, et on y trouve tous quelque chose. C'est assez sympa aussi. Et si tu avais envie de donner un message à ceux qui nous écoutent et qui sont dans la même maladie, ce serait quoi ce soir? Alors, ce serait déjà de profiter de tout ce qu'ils peuvent profiter, en tout cas des êtres qui leur sont chers. Et s'ils ont envie de faire les choses et s'ils ont la possibilité de les faire, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de les faire, hein, physiquement, on est parfois affaibli, fatigué. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, essayer de faire les choses dont on a envie. Voilà, parce qu'on a toujours tendance, quand tout va bien, à remettre les choses au lendemain. Sauf que des fois on se dit et ça vaut pour ceux qui sont pas malades, hein. Ouais, bien sûr. C'est la procrastination, ça c'est pas très très bien, mais voilà, c'est essayer en tout cas de penser à soi. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, c'est prendre soin aussi de sa tête. Oui, moi j'ai été voir une psy et je m'en suis jamais caché, parce que voilà, c'est pas une maladie, hein, d'aller voir pas du tout psy. non pas du tout, alors au contraire, moi elle m'a fait énormément, enfin j'ai été voir, j'y vais toujours, mais parce que il faut prendre soin. C'est un autobus qu'on prend dans la tronche, hein, avec cette maladie. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut soigner aussi cette partie de la tête, donc voilà, c'est ce message là après c'est toujours compliqué de donner des conseils aux autres malades. Parce que comme on appréhende la maladie complètement différemment et on n'a pas les mêmes maladies, mais en tout cas, voilà, le seul message, c'est penser à vous et profiter le plus possible. Et peut-être un conseil justement pour les proches des malades ou les aidants, parce que quelquefois on les appelle les aidants, ils ne savent pas quoi dire ou quoi faire avec un malade à côté d'eux. Et c'est assez délicat. Est-ce qu'il y a un message, ou est-ce que tu as, à ton sens, une idée de choses qu'on peut leur dire à ses aidants, à ses accompagnants qui sont auprès des malades et qui sont un petit peu démunis? Alors, moi, j'ai vécu les deux rôles. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mon épouse a eu un cancer en 2020, donc j'ai commencé par être aidant avant d'être malade. Je choque souvent quand je dis ça, mais j'ai toujours préféré être le malade que l'aidant. Parce que justement, tu l'as dit, l'aidant, il sait pas quoi dire. Est-ce qu'il dit assez? Est-ce qu'il dit bien? Est-ce qu'il fait assez? Est-ce qu'il fait... Enfin, c'est, la place de l'aidant est très, très compliquée. Et donc, pour l'aidant, moi, je dirais la même chose. Dites les choses. Alors, dans la pièce, on a une partie où il parle des phrases à la con. Mais parce qu'à un moment donné, les gens, c'est jamais malveillant. Quand ils disent ces phrases-là, mais ils essaient d'aider. Les aidants, c'est pareil. Ils sont là pour essayer d'accompagner la vie du malade, mais qu'eux aussi pensent à eux. Voilà. Aujourd'hui, nous, avec l'association, on va faire un programme justement pour... ça va être un programme pour les aidants, fait par les aidants. Mmh. Voilà. Parce qu'on a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que... Enfin, spécialisés. Qui ont vécu, en tout cas, le rôle d'aidant, et j'en fais partie. Et on n'y pense pas souvent, et c'est bien que tu poses la question, parce qu'on n'y pense pas souvent aux aidants, et que ce soit pour le cancer ou pour plein d'autres... Oui, pour plein de choses. Mais voilà, il faut qu'eux aussi pensent à eux, et puis il faut qu'ils s'expriment, et puis il faut qu'ils se soignent. S'ils ont besoin d'aller voir quelqu'un, il faut qu'ils aillent se faire aider. Oui, c'est vrai. Et là, je te rejoins. Et on va recevoir prochainement dans nos émissions des aidants et notamment des parents d'enfants autistes où c'est encore une fois pas facile et il n'y a pas beaucoup d'aide pour eux. Et c'est pas facile. Et même le corps médical est assez démuni par rapport à ça parce qu'ils ne savent pas comment accompagner. Ils savent bien accompagner les malades, mais ils n'ont pas grand-chose. Ils ne sont pas très armés pour accompagner les aidants. S'il y avait une phrase qui t'a aidé ou qui t'a marqué durant cette maladie, ce serait quoi? Je ne sais pas. Accroche-toi, mon gars. Ouais, je ne l'ai pas trop entendu. Non. Parce que je pense que les gens savaient que j'allais m'accrocher. Oui, sans doute. Non, moi, il y a une phrase que je retiens là, c'est le jour où mon oncologue m'a dit Monsieur Alsugarat, vous êtes en rémission. Voilà. Ouais. Là, je me dis bon. C'est un grand mot. Hein. Alors, ce n'est pas guérison, mais déjà la rémission. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais 5 métastases, je n'en ai plus aujourd'hui. Même si on est toujours très vigilant, parce que moi, j'ai un contrôle tous les 3 mois, parce que malheureusement, ça peut repartir. À Bayonne, maintenant, pour le coup? À partir de juin, ce sera à Bayonne. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que ce mot-là de rémission. Après, j'en ai eu plein de phrases. Oui, évidemment. Moi, tous les gens qui me disent qu'ils m'aiment quand je sors de la pièce de théâtre, j'adore ça. Non, c'est une blague. Bon, aujourd'hui, en tout cas, Didier, tu vas bien. Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Bah, je disais tout à l'heure, mon physique me rappelle encore à l'ordre, hein, parce que les traitements, même s'ils sont finis depuis plusieurs mois, ont fait quand même des ravages sur le corps. Mais je vais bien. Oui, je vais bien. Et je vais de mieux en mieux. C'est désespérant, mais je vais de mieux en mieux. En tout cas, je vois que tu ne perds pas ton sens de l'humour et ta jovialité, ce sourire qui te caractérise, et ça, c'est vachement important. En tout cas, merci vraiment, Didier, du fond du cœur, pour ta parole si vraie, ta parole sans filtre, qui rappelle que derrière chaque combat, il y a un être humain. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Alain. Et n'hésitez pas à nous retrouver dans nos podcasts Radio Côte Basque.